arrête de te morfondre. Celui-ci n'était pas le bon. Je sais qu'il te fait fondre, mais ça ne sera jamais le bon. Regarde la vie, elle est quand même à ton avantage. Ne laisse pas un pauvre pour toute sa vie en l'air. Il te fait du mal, ne lui laisse pas ton cœur. Ce n'est qu'un obstacle sur ta route, ne le laisse pas te ralentir. Et si tu ne peux le combattre, alors fuis au loin et te retourne pas. Tu as versé bien trop de larmes pour lui. Il te mérite pas. Il y en aura d'autres. Celui-ci n'a fait que prendre une partie de ton cœur et t'a rendu que des douleurs. Ce n'est qu'un obstacle sur ta route. Ne le laisse pas te ralentir. Et si tu ne peux le combattre, alors fuis au loin et te retourne pas, te retourne pas. Tu auras le bonheur, mais il faut oublier ceux qui t'ont fait de la peine. Il ne sait pas ce qu'il rate. Ne le laisse pas te faire tourner en rond. Cela te mènera nulle part. Ce n'est qu'un obstacle sur ta route. Ne le laisse pas te ralentir. Et si tu ne peux le combattre, alors fuis au loin et te retourne pas. Te retourne pas. Je sais qu'il est dur d'oublier, mais il faudra bien, un jour ou l'autre, tourner la page pour savoir la suite. Tu trouveras mieux, tu trouveras pire, qui connaît vraiment son avenir. On verra bien, le futur n'est pas si loin. Ce n'est qu'un obstacle sur ta route. Ne le laisse pas te ralentir.